Assurance auto, impossible bien sûr. Pas du tout. Si vous choisissez Clique ma photo sur meuf.fr pour votre assurance auto, c'est 15% moins cher. Clique ma photo et claque moins 15%. Avec Clique ma photo, oui. Oh, Miss Maf, vous me resterez toujours très très cher. Efficace et pas cher, c'est la meuf.fr. % et l'écart moyen de tarif entre le contrat Clique ma photo et le contrat auto Maf. Contrat consultable sur meuf.fr. Il est 17h et vous écoutez France Inter. Et le flash de Laetitia Gaillet. La ville d'Alep en Syrie est-elle en train de tomber ? Une source militaire proche du pouvoir affirme cet après-midi que l'armée syrienne a pris le contrôle d'un quartier rebelle près du centre-ville. Avancée confirmée par l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui dispose de relais sur place mais qui ne confirme pas toutefois le contrôle de quartier juste des bâtiments. En tout cas, l'armée de Bachar el-Assad avance avec l'appui de la Russie. Moscou a pris l'option d'une victoire militaire pour faire pression sur les États-Unis et sur les rebelles selon les experts. Plusieurs centaines de salariés d'Alstom ont manifesté aujourd'hui devant le siège du groupe à Saint-Ouen, près de Paris. Ils veulent faire pression sur la direction et le gouvernement pour le maintien du site historique à Belfort. D'ailleurs, le comité central d'entreprise d'Alstom a voté aujourd'hui ce que l'on appelle un droit d'alerte économique. Il s'agit pour les syndicats de savoir, par exemple, l'impact des choix stratégiques de la direction sur l'entreprise. Il y a eu de nombreux rappels à l'ordre aujourd'hui au tribunal correctionnel de Bobigny. Le procès de l'affaire dite des chemises arrachées s'est ouvert ce matin. 15 salariés et ex-salariés d'Air France sont poursuivis pour les violences du 5 octobre 2015 sur deux cadres d'Air France, Xavier Brossetta et Pierre Plissonnier, qui ont été malmenés par une foule de salariés excédés par l'annonce d'un plan social. Aujourd'hui donc à Bobigny, il y avait le procès à l'intérieur et la manifestation de soutien à l'extérieur. Soutien aux salariés, aux militants CGT qui, selon Philippe Martinez, sont de plus en plus souvent visés dans ces procédures. Le secrétaire général de la CGT ne digère pas, par exemple, le fait que le gouvernement ait validé le licenciement du délégué syndical CGT d'Air France impliqué dans l'affaire. Quand une ministre casse une décision d'une inspectrice du travail, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que c'est de la responsabilité du gouvernement ? On lui a souhaité bonnes vacances en lui disant « L'inspectrice du travail s'est trompée, je te licencie quand même. » Voilà. Et ça donne le ton. Si la ministre avait conforté la décision de l'inspection du travail, je pense que, y compris le procès, serait déroulé dans d'autres circonstances, en tout cas sous une autre forme. Ça donne le ton aussi. Et ça fait partie de cette ambiance. Tous les militants que je croise ici, j'étais tout à l'heure à Alstom, me disent « Philippe, tiens, on a un copain qui passe au tribunal, tiens, il y a machin, il a été accusé de… » Moi, je me base sur des faits, et les faits sont très clairs. Il y a une augmentation de la criminalisation de l'action syndicale. Des propos recueillis par Maxime Deps. Nicolas Sarkozy, selon Patrick Buisson, cela donne un livre. L'ancien conseiller de l'ancien chef de l'État livre donc ses anecdotes et ses réflexions sur 464 pages. On y apprend qu'en 2007, dans l'entre-deux-tours de la présidentielle, Nicolas Sarkozy aurait eu des contacts avec Jean-Marie Le Pen. Nicolas Sarkozy qui, en 2006, lors des manifestations contre le CPE, aurait laissé, selon Patrick Buisson, des bandes de black et de beurre agresser des jeunes blancs anti-CPE pour reprendre le contrôle de la situation et damer le pion à son rival Dominique de Villepin. Le livre paraît cette semaine et l'Express en livre les bonnes feuilles aujourd'hui. Les voies sur berge à Paris, le bord de mer, la montagne, où fait-il bon respirer dans ce monde ? D'après l'Organisation mondiale de la santé aujourd'hui, il y a en fait très peu de lieux où l'on peut respirer un air pur. Pour preuve, 92% de la population mondiale respire un air qui ne respecte pas les normes. L'OMS a étudié les données de plus de 3000 lieux sur la planète et qu'on se le dise, la France n'est pas dans le rouge, mais n'est pas dans le vert non plus, Anne-Laure Barral. À part à la pointe de la Bretagne ou dans le massif central, nous respirons un air où le taux de particules est supérieur à 10 microgrammes par mètre cube d'air en moyenne sur l'année, la norme fixée par l'OMS pour éviter des maladies cardiovasculaires, voire des morts prématurées. Les grandes agglomérations parisiennes de la vallée du Rhône ou de l'est de la France sont bien au-delà. Mais là où la situation est la plus critique dans le monde, c'est l'Afrique subsaharienne, la péninsule arabique notamment, où les tempêtes de sable aggravent les choses. En Inde, en Chine centrale et orientale, en Amérique centrale, les taux sont 10 fois supérieurs à ce que l'Organisation mondiale pour la santé recommande. En cause, nos activités, nos transports, l'agriculture, les industries, mais aussi les feux de cuisson à l'intérieur des maisons. Finalement, les endroits où il fait bon respirer, c'est plutôt l'Amérique du Nord, la Sibérie, la pointe de l'Amérique du Sud, l'Australie, des zones très peu peuplées ou alors très ventées, où la météo chasse les particules. Anne-Laure Barral. Il y aura du monde ces prochaines semaines pour assister aux entraînements de l'équipe de hand d'Aix-en-Provence. car elle compte un nouveau joueur, en l'occurrence Florent Manaudou. Le nageur médaillé d'argent au JO de Rio sur 50 mètres a décidé de mettre entre parenthèses sa carrière dans les bassins. Il a commencé donc à s'entraîner avec l'équipe de hand d'Aix-en-Provence qui évolue en première division. Et s'il se tourne vers le handball, c'est parce que, dit-il, il espère trouver une source de plaisir différente. Et en même temps, Florent Manaudou précise que la décision de quitter les bassins n'est pas définitive. Faut suivre. Allez, 17h05 sur France Inter, on suit la Bourse de Paris. On retrouve Jean-Yves Courcial. Fin de journée, on a bien suivi dans le rouge. Et oui, Laetitia, la place parisienne se dirige même vers une troisième séance consécutive de baisse à 30 minutes de la fin des échanges. Le CAC 40 recule de 0,66% à 4378 points. Le marché est principalement victime de la forte baisse du prix du baril de pétrole. À Londres, il coûte actuellement 46,11 $. Outre quelques logiques prises de bénéfices au lendemain de son rebond, il est également affecté par les déclarations du ministre saoudien de l'énergie qui ne s'attend pas à la signature d'un accord lors de la réunion prévue demain à Alger entre les différents pays producteurs d'or noir. Du côté des devises, l'euro recule et s'échange contre $1,11.96. Et en ce qui concerne les valeurs, comme hier, ce sont les financières qui pèsent lourdement sur la tendance. AXA abandonne 2,09% ou encore Crédit Agricole, actuellement en repli d'1,86%. Les pétrolières sont également assez logiquement dans le rouge. Total recule par exemple d'1,26%. Je vous rappelle le CAC 40, il recule de 0,67% à 4378 points. La bourse, Jean-Yves Courcial pour France Inter. Du lundi au vendredi à 11h sur France Inter, c'est la bande originale. Avec Nagui. Demain dans la bande originale, Pauline Lefebvre et Daniel Auteuil. Je trouve le concept à la fois génial et terrifiant. Avec l'humour de Tom Villa, l'humeur de Pierre-Emmanuel Barré, comme tous les jours l'esprit de Leïla Kadour-Boudadi et le mauvais esprit de Daniel Morin. Oh la bestiasse. La bande originale. Pour assister à l'émission, inscrivez-vous dès maintenant sur maisondelaradio.fr. Du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 11h. MMA Business Entreprise, interruption spéciale. François, on me dit que vous avez un scoop. Absolument, moins 15% sur la multirisque pro chez MMA. Ça concerne beaucoup de professionnels, ça? Les artisans et commerçants. Avec l'assurance multirisque pro MMA, ils bénéficient d'un contrat unique pour tous leurs besoins. Et jusqu'au 29 octobre 2016, MMA peut leur offrir moins 15% sur leur première année de cotisation. Bon ben, envoyez la pub. MMA. Offre soumise à condition, contactez votre agent MMA. France Inter. On aime. On aime. On vous en parle. Jean-Michel Jarre, en concert du 17 octobre au 12 décembre pour l'Electronica Tour. À l'occasion de la sortie de son nouvel album Electronica 2, The Art of Noise, le pionnier de l'électro sera en tournée à Strasbourg, Lyon, Dijon, Clermont-Ferrand, Nantes et à Paris le 12 décembre à l'Accor Hôtel Arena. Jean-Michel Jarre, Electronica Tour, du 17 octobre au 12 décembre. Un événement France Inter. Plus d'infos sur franceinter.fr. Mais oui, monsieur, dame, après la publicité sur France Inter, il y a une autre actualité, mais pour bien l'écouter, il faut tout annuler. Exactement. Merci, Laetitia Gaillet. Ça rime. Ça rime. Ben, c'est incroyable. Eh bien, aujourd'hui, nous avons préparé cette émission avec une implication particulière d'Alex Vizorek. Évidemment. Parce qu'il est fan de l'invité. Et toujours. Nous aussi, bien sûr. Mais alors, écoutez comment ça se passe quand il y a un vrai fan. Attention. Salut les amis. Salut Charlie. Salut Alex. Salut Alex. Non mais il est sous le casque, il n'entend rien. Mais qu'est-ce qu'il écoute? Du Isabelle Aubray. J'écoute du Isabelle Aubray. Oui, c'est une super invitée, mais qui l'a choisi? C'est Alex. Oh, bah, bien sûr, évidemment. Ouais, il a donné une liste pour les prochaines semaines. Il s'implique. J'écoute du Isabelle Aubray. Oui. Il voudrait inviter Michel Thor. Tu m'étonnes. Et aussi Nana Mouskouri, Sylvie Vartan. Et Patricia Carly et Nancy Holloway. Oh là là, ça fait du monde, ça, on va réfléchir quand même. Eric Azaray, j'aime bien. Oui, bon, écoutez, moi les amis, je suis ravie pour Isabelle Aubray, formidable. Enfin, on ne peut pas recevoir que des chanteuses. Non. Sinon, l'émission, ça va être Si tu écoutes tes têtes de bois. Je t'en réannule tout, c'est pas possible. Ouais, je suis pour. Oui, on se doute. Alors continue de faire ce que tu fais, surtout. J'écoute du Isabelle Aubray. Bon, écoute, Guillaume, s'il te plaît, va lui dire. Bon, ok, attends, j'enlève son casque. Bon, Alex. Aïe, mais j'étais en train. Oui, d'écouter du Isabelle Aubray. Oui, bon, alors on voudrait te dire que tu peux pas imposer comme ça tes goûts musicaux à tout le monde. Ah mais non, mais là j'ai choisi que des chanteuses que tout le monde adore. Il n'y a aucun recul. Alors, écoute Alex, tout le monde adore Isabelle Aubray, on est ravis, c'est un fait. En plus elle est du Nord comme nous, d'accord. Mais enfin, il faut équilibrer. Tu as raison Charline, la semaine prochaine on prend Michel Thor, elle est du Sud. Non. Allez, moi j'y retourne parce que vous savez quoi, j'ai encore... Écouter Isabelle Aubray. Ah non, je vais écouter Lady Gaga. Hein, je comprends plus rien, c'est qui ça? Ah mais si, Lady Gaga c'est une sorte de fille spirituelle de... De Isabelle Aubray. Ah. France Inter. Bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui résiste à l'actualité. Et voici les trois informations qui vont se retrouver dans le maquis à 18h. Le procès de la chemise reprend aujourd'hui. Oui, c'est surtout le procès des syndicalistes qui avaient arraché la chemise du DRH d'Air France, qu'on peut rebaptiser Gaul France maintenant, n'est-ce pas ? Le DRH se souvient donc de cette journée. C'est pas chaud ici, partout à Tisse. La ville de Paris souhaite expérimenter un camp naturiste. Ça existe déjà à Berlin, par exemple, mais à Paris, on est en état d'urgence. Alors, l'idée est aussi d'éviter l'attentat à la pudeur. Perico, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Chef, c'est quelqu'un de tout nu. Les Beatles. On est sûr qu'ils n'auront rien dans les poches. Allez, tout de suite. Elle est à fond, elle est déjà à fond, Isabelle. Les Beatles continuent à composer des inédits grâce à l'intelligence artificielle qui recompose des morceaux à partir de morceaux existants, mais qui n'ont rien à voir et ne trompent personne. Enfin, ou presque. Je te veux dans l'équipe, tu as un univers. Et moi, je suis accompagnée de celui qui... qui écoute Isabelle Aubray, dans le fond. C'est Alex Vizorek. Bien sûr. Moi, quand j'étais petit, je rentrais de l'école, il y avait la chance aux chansons, il y avait Isabelle Aubray à la télévision. Ça explique un petit peu mes goûts musicaux. Et autour de la table, 17h20, Canal+ a décidé de le mettre complètement en clair. Mais c'est pas parce qu'il est en clair que ses chroniques sont limpides. C'est André Manoukian. Bonjour Alex, bonjour Charline. De quoi on parle ? On va parler d'un groupe de funkatires électro deluxe. C'est ma passion. 17h30, quand nous, on va voir notre banquier, on a peur qu'il nous pose des questions. Quand lui va voir des banquiers, c'est eux qui ont peur de ces questions, c'est Guillaume Meurice. Oui, bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Vous êtes bien renseignés, je suis allé à la rencontre des banquiers, effectivement, mais pas n'importe lesquels. Hein. Des banquiers responsables, enfin presque. Pour l'instant, on n'est quand même pas socialiste, je suis désolé. Non, j'en demandais pas tant. Et 17h40... Moi déjà, je savais pas que ça existait. Et 17h40, dans un de ses poèmes, Aragon a dit « L'ivresse précipitait ma course à travers les chaînes martyrs. » Eh bien, il a bien de la chance, parce que quand l'ivresse la précipite, elle est bien incapable de savoir à quel type d'arbre elle a causé. C'est Juliette Arnaud, bonjour. Bonjour. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais me pencher sur les moins de 16 ans. Et oulala. Amateur de cougar, venez. Allez, maintenant, je me tourne vers celle qui a tout annulé pour présider cette émission, qui est dans une forme. Vous accompagnez les Français en chanson depuis plus de 50 ans. Vous avez chanté Un premier amour, remporté l'Eurovision, vous avez chanté Ferrat, vous avez chanté Brel, vous avez chanté Aragon. Oh, on sait pas, on sait tout ce qui vous êtes. On a envie de l'entendre dire, vous êtes... Isabelle Aubray. Oh là là là là. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Bonjour Isabelle Aubray. Bonjour. Mais qu'est-ce qui nous prouve que c'est la vraie? Parce qu'on n'arrive pas à croire que vous êtes là avec nous. Écoutez, si vous voulez, je vais vous en chanter une. Oh oui. Alors, nous étions deux amis, Fanette, Mémé. La plage était déserte et dormait sous juillet. Si elles s'en souviennent, les vagues vous diront combien pour la Fanette. J'ai chanté de chansons. Oui, oui, c'est la vraie, c'est la vraie Isabelle Aubray. Pour nous, c'est un oui. T'as rêvé de faire ça, sans déconner, t'as rêvé de faire ça. Isabelle Aubray, qui sort un nouvel album avec 18 chansons, une nouvelle chanson qui s'appelle Allons Enfants. Et puis Isabelle Aubray qui s'apprête à partir en tournée et surtout aussi à faire l'Olympia le 3 octobre. La salle de Vincent Bolloré. C'est grâce à lui d'ailleurs qu'on a obtenu une journée. Parce qu'on en voulait trois, mais c'est impossible. Évidemment, vous avez chanté Ferrat, alors qu'est-ce que vous voulez? Il y a de la révolte dans l'air. Évidemment. Alors, généralement, par exemple, quand des chanteurs comme Aznavour ou Adamo sortent un nouvel album, ils cherchent à s'entourer de jeunes. Vous avez fait appel, par exemple, à Claude Lemel ou Georges Chelon comme paroliers. Mais vous êtes une rebelle, en fait. Vous allez dans le sens contraire des autres. Écoutez, moi, je vais dans le sens où je trouve. C'est-à-dire que je suis allée voir des jeunes en scène. Il y a beaucoup de musique, beaucoup de bruit. C'est très difficile de comprendre les chansons et les textes me semblent ne pas correspondre du tout à ce que j'aime. C'est vrai que commencer mon métier avec Brel, Ferrat, Aragon, continuer ensuite avec un Claude Lemel qui écrit tellement merveilleusement, tomber sur Chelon qui écrit des textes et surtout des musiques, tout ça c'est... Mais il est jeune encore, Georges Chelon, il est très jeune. Il est très jeune, il a sorti un album en 2015, vous dire. Écoutez-le, il est merveilleux. Voilà. Il y a aussi Roland Vincent qui a écrit des musiques magnifiques, Bourterre, que bien sûr... André Manoukian, vous connaissez. Que Manoukian doit connaître. Ce sont des légendes. Alors, pourquoi aller chercher Maître Gims. Oui, franchement, on se demande. Autre chose que ce que j'aime, ça correspond quand Claude Lemel écrit une chanson pour moi, il ne se trompe pas. Comment ça se passe quand on écrit une chanson pour vous? Est-ce qu'il arrive avec... parce que ça doit être quand même inquiétant de venir vous montrer une chanson, vous qui avez chanté du Aragon. Vous tombez exactement sur... Non mais c'est vrai, sur le mot qu'il fallait dire. Mais vous avez travaillé, mais vous aurez. Mais non, mais il y a un truc qui passe. C'est inquiétant. Et des jeunes aujourd'hui ont envie de m'écrire, et ça arrive d'ailleurs, il y a un Alain Maudet qui doit avoir 30 ans à tout casser, qui m'a écrit une magnifique chanson, eh bien, ils ont peur, parce qu'effectivement... Il faut suivre. Il faut suivre, et je le comprends très bien. Personnellement, j'ai essayé d'écrire des chansons. Et arriver seulement à la cheville de ces grands auteurs, je n'y suis pas parvenue. La chanson est un genre très particulier parce que c'est de la... y a de très grands auteurs littéraires qui sont... quand ils se mettent à la chanson, c'est très bizarre. c'est vraiment... Il faut être amoureux de ce style-là. C'est un genre littéraire, je dirais, presque qui est à part. Ça n'est pas de la poésie, ça n'est pas du roman, c'est encore autre chose. Il y a une musicalité qu'il faut avoir. C'est un art extrêmement délicat. Oui, et surtout, il y a en 3 minutes, voilà, il faut avoir tout dit. Exactement. Au cinéma, on a c'est une ça. Heure et demie. Ouais. Au théâtre, on a 1h30, 2 heures. Mais là, en 3 minutes, il faut avoir tout dit. Et la chance d'être interprète, c'est d'être en scène et de pouvoir, pendant 2 heures, raconter des histoires. Mais je vous assure, c'est un... Elle a les yeux génial. Qui brillent. Oui, vous avez les yeux qui brillent. Elle sera donc à l'Olympia. Et on va s'écouter une petite 30 secondes de Claude Lemel qui vous a écrit une chanson qui s'appelle L'Olympia. Il est malin. Ah oui, d'accord. La nuit s'allume, je funambule sur le fil des chansons, tendue depuis la scène jusqu'au balcon. Mais rien ne vaut tous vos bravos qui font tenir debout, et on me rendra libre jusqu'au bout avec vous. Elle est déjà à l'Olympia le 3 octobre. Allez voir Isabelle Aubray. Et puis vous serez en tournée avec Tête de Bois du 4 novembre au 17 février. Vous vous apprêtez à reprendre la route, Isabelle Aubray? Oui, absolument. Juste après avoir fait cette tournée-là, j'emmènerai le spectacle de l'Olympia dans toute la France. Wow. Par exemple, le 4 novembre à Angers, le 10 novembre à Toulouse, ensuite à Bordeaux, Lille, chez vous. Ah oui. Isabelle Aubray, le 19 novembre. Mes copines de classe, elles ont déjà toutes réservé. <C'est vrai> Dépêchez-vous alors si vous voulez aller à Lille le 19 novembre. Toute la classe. Et les gars, je suis en train de tomber amoureux, ça sans déconner. Mais oui, mais nous aussi. Vous avez prévenu. Mais oui. On est trop contents d'être avec Isabelle Aubray. Oui, jusqu'à 18h. Alors, Guillaume Meurice nous fera bien une petite imitation de Jean-Fer. Mais oui, restez avec nous. Ah non. I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? On you. I put a spell on you, Screaming Jay Hawkins sur France Inter. Et celle qui est avec nous, elle est belle, elle s'appelle Isabelle Aubray. Venez nous voir, tiens, en streaming sur franceinter.fr. C'est la radio filmée, vrai. Isabelle. Et puis autour de cette table, Alex. Ouais, c'est moins beau à voir, mais il y a André Manoukian, il y a Guillaume Meurice et il y a Juliette Arnoux, bien évidemment. Et puis Isabelle Aubray, à ce moment-ci, c'est l'information. Ah, hein, donc d'accord. On va remettre tout un pour partir sérieux. De bonnes bases pour ensuite pour l'émission. Je suis prête. Vous êtes prête? Allez, c'est parti. Vous allez en prendre plein la gueule. Si on veut pas d'ennui, il vaut mieux pas avoir été président de la République. Le journal de presque 17h17. Ils vont vous écrabouiller. Pas non plus caricaturesque d'une campagne électorale. Et on commence par les titres. Invité de Jean-Jacques Bourdin, Marion Maréchal-Le Pen a déclaré au sujet des migrants « On va éparpiller la poussière ». Oui, et à l'occasion, il faudrait qu'on pense aussi à nettoyer les toiles d'araignée qu'elle a dans le crâne. Le footballeur Serge Aurier est condamné à 2 mois de prison ferme pour violence volontaire envers la police. Oui, ben la condamnation de Fiotte, hein, je suis désolé, 2 mois. Et il y aura l'interview dont on est certain que vous ne l'aurez pas entendu ailleurs. Oui, et des brefs parce que je suis de retour. Marion Maréchal-Le Pen était donc l'invitée ce matin dans l'émission Bourdin Direct. Et elle est tombée sur un Bourdin des grands jours en mode El Khomri, attention. Dites-moi, combien d'habitants françaises. En région Provence-Alpes-Côte d'Azur? J'ai plus le chiffre exact, mais c'est autour de 2 millions, quelque chose comme ça. Vous dites 2 millions d'habitants en Provence-Alpes-Côte d'Azur, oui, Marion Maréchal-Le Pen? Il me semble que oui. 2 millions d'habitants? Oui, bah, peut-être un peu plus que ça, je ne sais plus. Vous avez voulu être présidente de la région? Oui, d'accord. Alors, vous voulez combien d'habitants en région Provence-Alpes-Côte d'Azur? Je n'ai plus le chiffre exact. Moi, je vous dis, il y en a 5. Bah, d'accord, très bien. Et non pas 2 millions, 5 millions d'habitants. Voilà. Il faut qu'elle se renseigne. Elle en compte plus de 2 fois moins, alors que quand elle compte les étrangers, elle en compte facilement plus de 2 fois plus. Ah oui, c'est vrai. Allez, on reste à l'extrême droite. Oui. Patrick Buisson, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, raconte dans un livre ses années passées avec lui. Ben oui, hein, il aurait notamment déclaré à propos de Jacques Chirac « Je n'ai jamais vu un type aussi corrompu ». Patrick Balkany était extrêmement déçu. Passons à Anne Hidalgo. Oui, elle est fâchée sur Fabrice Eboué, l'humoriste qui s'est plaint dans une vidéo de la journée sans voiture. Oui, elle lui a lancé un défi, le défi de prendre le métro. Alors lui s'est exécuté et puis il lance à son tour un autre défi à la maire de Paris. Ça y est, alors ça y est Anne, c'est fait. Je viens tout juste de prendre le métro comme tu me l'avais demandé. Donc j'ai relevé mon défi, à toi de relever le mien. Je te demande de prendre le RER D après 22h, entre Saint-Denis et Sarcelles. J'attends ta vidéo Anne, pour moi si relevé j'ai pris le métro. Voilà, peace. On attend avec impatience la vidéo. Karim Benzema s'est même dit prêt à la produire. Journée sans voiture toujours, oui. C'était donc dimanche dernier, oui. Alors que samedi prochain, et toujours à Paris, démarre le mondial de l'auto. Voilà, ce qui revient à aller chez le coiffeur avant de commencer une chimio. Santé toujours. Oui, santé. Deux chercheurs suisses affirment que les sels d'aluminium contenus dans les déodorants provoquent des tumeurs chez les souris. Oui, donc si vous avez des souris et qu'elles sentent sous les bras, ben n'achetez pas du déodorant du coup. Sous les pattes. Oui. Société. Et les sénateurs ont décidé de supprimer le droit à la cantine scolaire des enfants dans la prochaine loi égalité et citoyenneté. Et oui, une décision prise juste après la pause déjeuner au Sénat. International, cette nuit avait donc lieu le fameux premier débat entre Hillary Clinton et Donald Trump. Dominé par Clinton, Trump accuse son micro défectueux. Et c'était pas le micro, c'était le cerveau en fait qui était défectueux. Notons qu'un journaliste canadien est devenu célèbre en listant chaque jour des mensonges de Donald Trump. Oui, l'homme est en burn-out aujourd'hui. Sport maintenant, le footballeur Serge Aurier est condamné à 2 mois de prison ferme pour violence volontaire envers la police et il a reçu une peine supérieure aux réquisitions du procureur. Décidément au PSG, la défense est vraiment nulle. Et Nicolas Anelka a soutenu Serge Aurier en citant Dieudonné. Et ça c'est une excellente idée, toujours citer Dieudonné dans un procès. Et d'un procès à l'autre, passons à celui de la chemise arrachée au DRH d'Air France. Et oui, et nous avons la chemise qui témoigne pour la première fois. Si, moi je suis la chemise, j'ai la salle italienne parce que je suis une Dolce Gabbana. Oui. Vous parlez de déo à l'instant. Qu'est-ce que c'est le déo? Le déo, c'est pour sentir bon. Ah, ben j'en ai jamais croisé. Ah, non, bah jamais. Oui, ben, c'est comme ça. Comment vous sentez-vous? Ah, ben écoutez, je suis ravi. Oui. C'est vraiment un honneur, un bonheur d'être pièce à conviction ici au tribunal Bobigny. Ah, oui, oui, quand même. Ah, vous pensez bien. Moi, j'étais avec lui depuis 2 ans. Il s'apprêtait à me virer. Ah, même avec les chemises. Ah, ouais, ouais, grâce aux syndicalistes, je suis devenu une star, on me chouchoute, tout ça. C'est un accent italien, mais qui est passé par Marseille, quand même. Ouais, parce que j'aime bien aussi. Voilà, j'ai voyagé beaucoup en tant que chemise. Et donc, quels sont vos projets? J'ai encore des voyages. Ariel, Dash, Homo, ils m'ont appelé, je vais faire la pub. Ah, super, ben, allez, content. Mais déchirez tout au procès, en tout cas. Finalement, moi, je trouve que c'est pas très cher, une chemise contre 2900 personnes virées. Ah, tiens, on est d'accord avec vous. Vous allez faire l'hymne de l'émission. Vous êtes plus de gauche que nous. Je vous sens chaud, Isabelle Aubray. Justement, on va en parler. Avant, une petite brève à Alex Vizorek avant. Allez, on fait une. Allez, Toulouse, la batterie de la cigarette électronique explose. Sa voiture prend feu. Qu'on vient plus de dire que la cigarette électronique, c'est pas dangereux pour la santé. Isabelle Aubray est avec nous. Je vous sens au taquet sur le premier sujet. Isabelle Aubray, hein, avant d'attaquer l'Olympia le 3 octobre, il y a un premier sujet à attaquer avec nous. C'est vrai qu'on parle de violence. Alors évidemment, ne pas trouver un autre moyen de discussion que de se battre, c'est toujours très, très compliqué en tout cas. Mais je trouve que c'est très très violent d'annoncer 2900 personnes virées. Quand on sait ce que c'est que ne pas avoir de travail... Et je l'ai vécu, j'ai travaillé dans une usine de filature. Alors vous savez, la filature, il y a eu des moments très difficiles dans le textile. Et je quittais l'usine à 16h au lieu de 18h. Et mon père aussi, on était 11 enfants à la maison. Alors c'est vrai que ce sujet m'interpelle et je suis très gravement atteinte par ce genre de... Oui, c'est ce genre de choses qui vous touchent, Et qui vous ramènent, effectivement, à lorsque vous aviez à peine 14 ans, quand vous avez commencé à l'usine. Donc, si vous voulez, on peut peut-être résumer encore un peu le sujet. Il y a deux chemises arrachées et 15 prévenus, titre Le Parisien aujourd'hui en France. Et il y a aussi la une de l'UMA aujourd'hui, hein, je vous la montre, Isabelle Aubray. Air France, l'action syndicale en procès pour une chemise. Le DRH était sorti à poil du comité central d'entreprise il y a presque un an. Et s'il n'y avait pas un contexte de crise sociale, tiens, ce pourrait être peut-être une histoire de fringues et de justice, souriant un peu juste avant d'en reparler. Alors monsieur, votre pull ? Ici. Hein. Bah, il est jaune. Et votre pantalon ? Bah, il est orange. Alors un pull jaune sur un pantalon orange, il y a faute de goût aggravé, monsieur. Bon, donc monsieur la Française, le pays de la mode et du bon goût, et vous, vous vous promenez avec un pull jaune sur un pantalon orange. Alors on veut bien être sympa, monsieur, mais faut arrêter la provocation quand même. Hein. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va verbaliser, puis on va vous arrêter. C'est les Robins des Bois. Mais oui. Revenons-en à ce sujet tout à fait sérieux, Isabelle Aubray. Les syndicalistes, ils encourent jusqu'à 3 ans de prison pour ceux qui sont... Oui, puis 45 000 euros d'amende. Ouais, ouais. Vous les considérez pas comme des délinquants, alors ? Je suis, encore une fois, je suis navrée que ça se termine en bagarre. On pourrait éviter ça, évidemment. Mais à partir du moment où il n'y a pas de discussion et où la menace est tellement pressante, comment réagir ? C'est vrai que c'est le désespoir et la colère. Voilà, alors... La violence du patronat aussi. Mais bien sûr, c'est très violent d'annoncer ça comme ça d'un seul coup et d'imaginer que les hommes doivent accepter. Comment faire pour ne pas se rebeller ? Alors, ça coûte une chemise ou deux, c'est pas bien méchant. Et comment vous, après, vous êtes passée de « je suis 14 ans ouvrière en usine » à la chanteuse que vous êtes devenue ? Mais écoutez, c'est un petit peu la chance quand même. Je suivais des cours d'art dramatique après l'usine, je suivais des cours de danse classique, des cours d'art dramatique, et j'ai participé à un concours de chant, et mon professeur faisait partie du jury, c'était un notable de la ville, il s'appelait Maître Cotinet, et il m'a vu chanter, et il a dit, mais voilà, on va vous sortir de l'usine. Et ça a été la première main tendue. Et quand vous avez eu le premier succès, est-ce que vous êtes revenu après à l'usine, revoir les gens? Ah oui, bien sûr. Pour les narguer un peu, pour faire... J'ai les pognons. Écoutez, je vais vous faire sourire, mais le jour où le président de la République m'a remis la Légion d'honneur, j'ai eu vraiment le plaisir d'inviter une copine d'usine, une copine de l'école, un peu de ma famille, et c'est un souvenir merveilleux, parce que je garde mes racines profondément ancrées en moi. Je suis une petite fille d'ouvrier, je suis fière de l'être, et j'ai continué mon métier, je le fais de la même façon, d'une manière comme un artisan. Je veux que ce soit beau, je veux que ce soit riche, et je veux que ce soit fort pour représenter justement cette classe qu'on oublie un peu trop facilement. C'est ça qui vous a uni si fort à Jean Ferrat, cet amour de la classe ouvrière qui était, j'allais dire, autrefois un vrai peuple et une vraie référence et une vraie fierté. Absolument. Sois fier ouvrier, ton histoire est féconde. Sans toi, que deviendrait le monde ? Ne rougis pas de ton métier. Sois fier ouvrier. Isabelle Aubray, présidente. On vote pour vous, Isabelle. Est-ce que Jean Ferrat a un mot à dire, une petite chanson, un petit mot? Une petite chanson pour Isabelle Aubray. Je sais juste faire le « Ma France ». Ah oui, ça c'est parfait. Voilà, voilà, c'est juste ça. Voilà, Guillaume Meurice qui est en train d'emballer Isabelle Aubray. Hein, mais peut-être qu'André Manoukian est sur le coup. On est tous sous le charme d'Isabelle. Allez, on va passer à un autre registre. Ce sont des Français aussi, mais ils ont choisi une musique beaucoup moins facile pour la France. Il s'appelle « Electro Deluxe ». Ce sont des Funkatiers français. Alors les Funkatiers français, à la base, c'est pas facile. C'est comme le funk gaulois, c'est comme un peu du camembert californien ou de la fourme du Dakota, quoi, si vous voulez. Il y a leurs prédécesseurs, ils sont cassés les dents. Il y a Nino Ferrer qui rêvait d'être noir. Il y a mon ami Sinclair qui a été obligé de faire la Nouvelle Star avec moi. Il y a Juan Rosoff, inconnu au bataillon, mais c'est du niveau de Prince. Ben l'Oncle Soul s'en est à peu près sorti. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas légion, les Français qui font du funk, comparé aux Français qui font du rock. Quoi. Ce qui nous amène à nous poser cette question, mais c'est quoi le funk? Déjà, le funk, c'est un mot d'argot américain qui vient de skunk, une moufette. Qu'est-ce qu'une moufette? Eh bien, oui, exactement. Une moufette, c'est un mammifère qui sécrète un liquide nauséabond dans ses glandes anales projetées sur l'animal qui nous menace. Alors, ce qui est drôle, c'est que... On apprend des choses, Isabelle. Mais oui. Donc, skunk... Et puis ça sent quelque chose. Exactement, voilà. Ça sent quelque chose. Ce qui est rigolo, c'est que le mot jazz vient de jizz, qui est clairement un jet de sperme en argot. Voilà, bien sûr. Donc on a, donc on a du un jet de sperme de côté. Parler de sperme, du jus de l'autre que du séminal. En fait, c'était l'argot péjoratif qu'employaient les Blancs. Funk pour décrire l'odeur qu'il y avait dans les Duke Junks ou des bars Clando où les Blacks dansaient toute la nuit. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Blacks, ils ont repris ce mot injurieux comme un étendard. On assume, ouais, on fait de la musique séminale, ouais, on fait de la musique qui fait transpirer, ouais, on fait de la trance. Donc le funk, à la base, ça vient de la soul ça vient du gospel, tout ça part de l'église quand même, c'est-à-dire qu'on est sur des gospels qui, c'est Ray Charles le premier qui va changer les textes et qui va mettre sur des gospels traditionnels des paroles d'amour, et là sa frangine qui est très religieuse lui dit t'es en train de faire un sacrilège. La différence avec le funk, c'est que dessus ils vont poser des textes qui vont être des textes de revendication. Un des premiers funketeers, c'est James Brown qui dit I'm proud and I'm black. Donc, ça va être des textes avec lesquels ils vont revendiquer leurs conditions. On est dans le mouvement social des droits civiques aux États-Unis. Ce qu'il y a dans la funk musique, c'est une rythmique et il y a une section de cuivre. Très important, les cuivres. La trompette, au 1er siècle avant Jésus-Christ, eh bien, c'était une discipline olympique. Vous saviez ça? Mais oui, il y avait trois épreuves. Le volume sonore, la portée du son et celui qui allait le plus haut dans les aigus. Eh ben, nous, là, il y a le championnat du monde de trompette. Ouais. C'est Christophe Maé qui a gagné la troisième. On a parlé du lancer de la connerie. On a parlé, donc alors, mais ça, vous soyez champion, Alex. Donc, nos lascars d'électro de luxe, en fait, ils ont contourné l'obstacle de la langue en prenant en otage un chanteur américain qui était en vacances dans le sud. Je vous jure que c'est vrai. James Copley, le gars, il chante dans un bar. Les gars, ils lui ont sauté dessus. Ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble. Ça fait 10 ans que les maisons de disques les snobent. Ça fait 10 ans qu'ils font une autoproduction. Et ça fait 10 ans qu'ils cartonnent, que leurs spectacles sont pleins, comme vous, Isabelle. Ils seront le 7 et 8 octobre à Paris, au Trianon, et on se régale en les écoutant tout de suite. Alone, c'est Electro Deluxe qui ça... met en joie Juliette Arnault qui a dansé. Seuls, parce qu'ils sont tout seuls. Ça groove les Frenchies. Hein. Donc ouais. Je répète, ils seront en concert le 7 et 8 octobre à Paris au Trianon. Ils sont tournés dans toute la France et leur album sort le 30 septembre et le ratez pas. Voilà. Et quand vous pensez que tout ça débarre du jazz, ouais. Alors évidemment on est loin de Angela, the No Devil They glow incredibly bright. On est loin. Hey, c'était chouette aussi. Isabelle Aubray. Isabelle Aubray essaie de passer un télécrochet avec André Manoukian en direct sur France Inter. André Manoukian qui transpire de la moustache. Il est 17h36 à Florange, à Aulnay et à Belfort. Et on pense beaucoup à Belfort. Et vous êtes sur France Inter. On est avec Isabelle Aubray qui sort un nouvel album avec 18 nouvelles chansons. Cet album s'appelle Allons Enfants. Isabelle Aubray qui sera non seulement à l'Olympia le 3 octobre, elle se prépare activement. Je me réveille Olympia, je dors Olympia. Qu'est-ce que vous avez dit que c'était peut-être le dernier là ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oui, écoutez. Ou c'est un mensonge ? Non, c'est absolument pas un mensonge. J'ai la chance d'avoir réussi à faire cet album et de chanter directement avec les musiciens, ce qui est un bonheur. C'est bien plus agréable que de chanter sans eux. Et je me dis que le dernier album, c'était en 2006. 10 ans pour le faire. J'aurai 88 ans dans 10 ans, non. Mais regardez Aznavour, oui, il mais a 82 ans. Il dit qu'est-ce qu'il me reste, 20 ans de carrière. Oui, laissez Aznavour en Suisse. Laissez-le en Suisse. Et donc, je trouve que c'est de la tendresse, de l'amour, du respect, de dire gentiment « Bonsoir, j'ai été heureuse avec vous. J'espère que vous l'avez été. » Avec moi. Oh, oui, oui, oui, évidemment. Triste. Alors allez voir mais Isabelle c'est Aubray. Pas triste, parce qu'il y a la tournée et après il y a la tournée dans toute la France. On va faire les choses tout doucement, sinon je vais tomber malade. Oui, le 28 janvier à Marseille, le 1er février à Brest, le 10 février à Saint-Étienne et vous venez même à Bruxelles. Le 17 février, Isabelle Aubray est avec nous et le pseudo Jean Ferrat qui est en face de vous. Sans Guillaume Meurice, oui. Il est presque aussi beau. Hein. Oh là là, il y a concurrence. André, faites gaffe. Beau comme Jean Ferrat qu'il est. Eh bien, écoutez, vous le savez peut-être pas, mais en ce moment, c'est la semaine de la finance responsable. Ah. Eh oui, oh ça là tombe là. La même semaine que celle des requins végétariens et celle des chroniqueurs du Grand Journal qui font pas ça pour l'argent, mais pour le plaisir. Je plaisante évidemment, hein, mais bon, ne comptez pas sur moi pour faire du racisme anti-banquier. Je vous rappelle que le thème de la future campagne électorale, c'est pas la redistribution des richesses, c'est les vilains arabes, hein, ça c'est clair. Alors des fois, il y a des vilains arabes de Libye qui distribuent de la richesse à des candidats à la présidentielle. Mais bon, ne comptez pas sur moi non plus pour vous encourager à vous abonner à Mediapart. Moi, je suis là pour défendre l'honneur des banquiers aujourd'hui. Et ce matin, ils se réunissaient à la Défense. Je suis là aussi pour faire changer l'image des banquiers, par exemple sur la relation client. Aujourd'hui, ce qui fait la différence, c'est la façon dont les entreprises, les banques proposent justement cette relation avec un maximum de fluidité, de confort. Et puis le côté fun, hein, c'est vrai que... C'est fun la banque ? Ah, mais ça peut être fun, hein, c'est vrai ? Bien sûr, c'est fun la banque, bien entendu. Tout le monde a besoin de services et les services doivent être de plus en plus fun, de plus en plus sympas à utiliser. De plus quoi. En plus une banque aussi. Peut avoir du swag même, on peut dire ? Ah, elle peut avoir du swag, bien sûr. Ouais. Ah ouais, merde, sortez de vos préjugés de bolosse, quoi ! On peut augmenter les agios avec un peu de fun, un peu de swag, quoi ! Pas obligé de foutre le seum à ton Yankee, quoi ! C'est ça aussi la finance responsable. Moi, je suis allé voir un autre banquier, tiens, un banquier responsable. Notre philosophie interne est d'essayer de, voilà, d'être un peu responsable, comme tout le monde, je dirais, comme tout bon citoyen. Parce que je veux un dire, peu seulement plus, il faut arrêter la langue de bois, on fait ce qu'on peut, quoi. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous faites de pas responsable ? Qu'est-ce qu'on fait de pas responsable ? Là, vous posez une colle. Non, honnêtement, c'est... Ah bah, si vous êtes juste un peu responsable, c'est-à-dire que vous faites plein de trucs pas responsables ? Bah, qu'est-ce que je pourrais faire, moi ? C'est peut-être qu'effectivement, j'utilise peut-être un peu trop mon véhicule, des fois, pour me déplacer. Je pourrais peut-être prendre d'autres transports. Voilà, voilà, c'est le crime du banquier, on le connaît. Hein, c'est la, la Kangoo Diesel. Il y a une limite très, très, très ténue entre responsable et coupable. Voilà, c'est vrai. Hein là, on est entre les deux. Oui. On ouais, est entre ouais. les deux parce qu'il roule en Kangoo Diesel. Et ça fout la merde. Mais bon, voilà, on est tous pareils. On aime bien, de temps en temps, connaître le plaisir du pauvre. Ah, puis comme ça, aller sur les routes départementales. Est-ce qu'on peut je le reprocher les routes départementales. Je vois vos références, j'aime beaucoup. Mais bon, qui sommes-nous pour juger ? En plus, le banquier a l'honnêteté de le reconnaître. Hein. J'ai un véhicule qui pollue, qui a un diesel, et aujourd'hui, voilà, c'est pas très chouette. Ne pas être responsable, c'est pas chouette. Voilà, c'est pas chouette. Voilà, ça c'est un message fort. Ça c'est bien, c'est pour la jeunesse. Et j'irais même plus loin, je dirais, ne pas être responsable, c'est pas cool. Voilà, désolé, ça choque des gens. Désolé, c'est un message un petit peu violent. Oui, mais je suis bon. Très choquée. Mais voilà, mais on a besoin de ça, parce que oui, la finance jouit d'une mauvaise image hein, dans l'opinion publique, mais le banquier a une approche responsable. Nous avons désormais une responsabilité à la fois morale. C'est-à-dire que le banquier a une morale. Mais vous savez, vous dites le banquier en morale. Le banquier, c'est un être humain comme vous et moi, hein, qui parfois est devant des cas où il peut avoir son côté... Mais n'oublie pas une chose aussi... Son côté comment ? Ben le côté humain, mais en face de vous, vous avez des gens qui vont abuser de ce côté humain. Et alors, vous y pensez à ça ? Hein, je serais plus heureux dans une piscine, hein, parce que je trouve il ramène à vous. Non, c'est du mauvais esprit, je ne peux pas vous laisser dire ça. Vous ne pensez pas au banquier abusé, vous n'avez pas de cœur. Le banquier, il a un cœur. S'il refuse après à un mec qui n'a plus de maison, c'est parce qu'il ne veut pas se laisser abuser par le mec. Hein, et voilà, les serial killers, c'est pareil. C'est juste des mecs qui se méfient de leur côté humain. C'est ça qu'il faut piger. Et il faut piger que la finance va bientôt devenir totalement responsable. Elle est déjà responsable. Elle est déjà responsable. Parce qu'on ne s'était pas rendu compte, c'est pour ça. Là, avec ce que l'on entend, ça risque d'être encore plus inquiétant, parce qu'avec toutes les nouvelles techno, le problème qui... Attendez, inquiétant pour qui ? Pour tout le monde. Donc elle va devenir encore plus irresponsable, alors. Ouais, on peut dire ça si on veut, non mais il va falloir que ce soit contrôlé quoi. Voilà, voilà, à un moment donné, il faudra qu'on contrôle tout ça, mais bon, le temps de voir ça, ça va. Et puis de toute façon, il me l'a dit, hein, il y a les nouvelles technologies, hein. La finance va être contrôlée par des robots, ça c'est un autre banquier qui me l'a dit. Le robot est beaucoup plus intelligent que l'être humain aujourd'hui, il ne faut pas oublier que le robot simule le cerveau en mieux. Mais est-ce que c'est la même chose si c'est Goldman Sachs qui programme le robot? Ou ça, alors un chômeur robot de longue durée à cause de l'austérité. Goldman Sachs, c'est le robot, il découvre les modèles. Non, le robot, il est de plus en plus autonome. Eh ben voilà, il se démerdera tout seul, le robot. Et on ne pourra plus accuser les humains. On dira, c'est de la faute au robot. C'est Robocop qui a mal spéculé. Voilà, c'est mon grille-pain qui a déconné dans les calculs. Et voilà, peut-être que l'avenir, ce sera ça. En revanche, peut-être qu'en ce qui concerne la merde dans laquelle on est aujourd'hui, la finance est pour le coup totalement responsable. Guillaume Meurice, merci Guillaume. Allez, on est sur France Inter en compagnie d'Isabelle Aubray. On va aborder le deuxième sujet avec vous, Isabelle. Paris qui envisage de créer un espace récréatif pour que les naturistes puissent se dénuder librement. Bref, enfin une bonne nouvelle. Un corps naturiste. Alors, attendez, c'est logique, hein, parce que Paris, ça évoque directement la nature. Hein. Enfin, certains habitants sont circonspects, quand même. Glénat. Monsieur le Président. Vous trouvez ça drôle, vous, cet étalage de viande ? Le naturisme est de plus en plus à la mode, monsieur le Président. C'est un club assez original. Meublé en knoll, une clientèle très sélecte, des cadres supérieurs, des... Déshabillez-vous. Pardon ? Vous allez faire le tour de la salle de rédaction tout nu, nous allons pouvoir juger de l'effet commun. Monsieur le Président, je vous dis de vous déshabiller. Michel Bouquet et Jacques-François dans Le Jouet de Francis Weber. Vous avez reconnu Isabelle Aubray. Les voix, oui. Ah ben voilà, écoutez, un camp naturiste, c'est pour bientôt, donc à Paris. On a un lieu déjà ou quelque chose ? Alors, on n'a pas encore de précision. Il y a deux bois visés quand même. Hein. Ah oui ? Entre le bois de Vincennes et le bois de Boulogne. Ils savent pas encore. Alors, le bois de Boulogne, c'est déjà fait. Hein. Et d'ailleurs, c'est interdit totalement. Je vous dirais que ce serait totalement naturiste, ça éviterait quelques soucis. Oui. Parce que parfois, personne ne se fera arrêter. C'est vrai. Si c'était en bas de chez vous, Isabelle Aubray, dans le parc, pas loin de chez vous, ça vous ennuierait ou pas ? Bah écoutez, moi, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Ouais, on a le droit de tourner les yeux aussi. Mais en fait, c'est peut-être aussi la solution pour le bikini. Oui, le burkini, bien sûr. Burkini. J'allais vous en parler au moment où on le chasse. Voilà, le c'est ça. On va faire un camp de naturiste et puis on fera aussi un camp. Voilà, pourquoi pas. Comme ça, tout le monde sera content. Moi, je dis Isabelle Aubray, présidente femme et de maire solution. De Paris. Femme de solution. Alors, je garderai que la première partie de Paris. Il y a 2 millions de naturistes en France et deux fois plus l'été avec les visiteurs. Vous en aviez déjà croisé, vous, Isabelle Aubray, des naturistes ? Non. Non, jamais ? Non. Autour de cette table, oui. En Ardèche, il y en a beaucoup. Oui. Chez Jean Ferrat, il y en a. Ouais. Oui, oui, c'est vrai. C'est chez ma mère, il y en a beaucoup. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ils sont tout à fait charmants. Moi, il me semble que quand j'étais petite, dans les années 70, ça nous venait des Hollandais, des touristes hollandais, germains en général, oui. Qui se déplaçaient très facilement. Mais toujours, d'ailleurs. Hein, ils viennent beaucoup dans les camps de naturistes. Monsieur et Madame Macron, on en croisait, c'est juste, c'est vrai, vous êtes mais bien. On n'arrive quand même pas à être totalement. On regarde quoi, on a un œil quoi. Non. Ah si si. Pas au bout. Mais non, au bout d'un temps. Au bout du dixième peut-être pas. Voilà. Mais oui, c'est ça. Ce qui compte, c'est les 10 premiers. Oui. Personnellement, honnêtement, je trouve pas ça très esthétique. Oh, voilà. Vous n'avez jamais vu, Isabelle. Alors... Ah, je suis un peu vexé, moi. Je vous défends depuis le début. En tout cas, moi, je ne m'y risquerai pas. Il y a un truc très intéressant, c'est que dans les camps de naturistes en Allemagne, on interdit aux gens de se rhabiller en public parce que c'est super érotique, en fait, quelqu'un tout nu qui se rhabille. Comme quoi, c'est les habits qui... D'accord. En tout cas, écoutez, ça existe déjà à Berlin, donc pourquoi pas bientôt à Paris. Juliette Arnaud, vous avez une lecture à nous conseiller ? Alors, tout un tas de lectures, oui. Oh, oh. Alors, ma chère Isabelle, ma très chère Isabelle, ralala, votre douce voix qui m'évoque à moi ceci. Poli, poli, polisson, tourne, tourne, tourne. Là, vous verriez les deux. Elles sont en totale régression. Je vous conseille franceinter.fr pour les voir toutes les deux. Mais que c'est joli. Mais c'est tellement joli. Alors, c'était un feuilleton écrit et réalisé par Cécile Aubry, chanté par vous. Cécile Aubry, c'était la maman de Belle et Sébastien. Donc, c'était une série de livres. La donc... maman de Belle et Sébastien. Surtout de bah, Sébastien. C'était... Oui, mais c'était la maman de la série. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, hein? Bon, ne me coupez pas, attention quand même. Donc c'est une série de livres, donc mon domaine, des livres pour enfants avec, pour héros, Polly, un petit poney. Hein. Alors le cheval, élément récurrent de la littérature enfantine, mon ami Flicka, les talons noirs, crin blanc, cadichon. En fait c'est ou le cheval ou le chien, ou le dauphin, Flipper, et pas le gnou ou la scolopendre. Ici donc, un petit garçon rencontre un petit poney, lui rend sa liberté, et ensuite le petit poney à la crinière blonde résout des enquêtes. Oui, alors je fais pas le lien moi non plus. Clairement, on n'est pas dans une école réaliste pure et dure. Et là, là, je tire mon chapeau aux mômes. Les enfants, à défaut d'avoir le sens de l'humour et le sens du rythme, ont des trésors d'imagination. Et préfèrent que la loi et la justice soient incarnées par un poney ou un dauphin que par Julie Lescaut. Mais l'idée, ce doit être qu'une bonne action n'est jamais perdu. Et là, on touche la pierre angulaire de la littérature enfantine. Le but n'est pas seulement d'amuser, de divertir nos chères têtes blondes, et brunes, et frisées, et lisses, et rousses, vive la France. Et noires. Et noires. Le but, c'est... Mais c'est... Je sais bien. Le but, c'est aussi, surtout malheureusement, de distiller la bonne parole, c'est-à-dire la morale, la vertu, les bons sentiments. Avec l'impératrice de ça, la comtesse de Ségur, née Sophie Rostopchine, les méchants sont toujours punis, les gentils récompensés, et Jésus, il est là pour tout le monde. Ceci qui étant dit, Jésus. Qui ? Jésus. Vous l'écrivez comment ? Comme ça. Ah, d'accord. C'est un stand de croix. Rebelle. Oui, c'est pas moi, hein, c'est la comtesse de Ségur. Ceci étant dit, chez la comtesse de Ségur, le cadre a beau avoir l'air rigide, drôle comme un tabouret trois pieds et sexy comme un passage piéton, la comtesse de Ségur, eh ben, ça bourgeonne de perversité. Et les enfants ne s'y trompent pas parce qu'ils sont pas bêtes, les enfants. Personne n'oubliera, une fois qu'il l'aura lu, la Papowski, femme adulte, fouettée par le général Dourakine. Charles, abondamment fouettée par la veuve Macmiche dans Un bon petit diable. Et Sophie, qui pour avoir confectionné un collier de mouches mortes sera, je vous le donne en mille, fouettée. Et Martine avant, pas un épisode où on ne verra pas sa petite culotte. Et Alice au pays des merveilles, qui boit des trucs suspects, et mange des trucs bizarres, et discute avec des chats et des lapins et des cartes à jouer. Et oui, hein, ce bon oui, si gentil, si généreux, si dévoué, tout ça jusqu'à l'écœurement. Belle petite pute, ce oui. Excusez-moi pour la famille de oui, mais il fallait que ça sorte. Non, pas du tout. Ah pardon. Ce qui se passe, c'est qu'à force de lire du oui, inévitablement, les enfants ils s'interrogent sur l'existence possible de son jumeau maléfique, l'obscur Nonon, dont la vie n'est qu'une tannée. Nonon fait la vaisselle, Nonon est au chômage, Nonon à la ménopause, et oui, Nonon est une femme. L'imagination au pouvoir, vive les enfants. Mais ça, c'était avant. Parce qu'à présent, il y a une vague qui sévit dans les librairies qui, moi, m'inquiète un petit peu. C'est l'équivalent des livres sur le développement personnel pour les adultes. Hein, vous savez, Mon corps et mon orgie, Deviens ta meilleure amie, Sois toi-même, etc. Et ben, c'est pareil. Là, c'est des livres où on fait passer des messages aux mômes, mais on ne laisse plus du tout de place pour rêvasser, pour triper, pour imaginer. Hein, ces fourbes de parents, ils les refilent à leurs mômes pour leur faire passer des messages qui passent difficilement. Par exemple, ils leur achètent Séraphine et les nouveaux repas. Bon, ben, ça, c'est parce que maman arrête le gluten. Séraphine est triste. Ça, c'est parce que papa et maman, ils divorcent. Mais ça va, ça fait plus de cadeaux à la Noël. Et la femme de papa, la femme du papa de Séraphine, ça c'est parce que j'ai une belle-mère, comment ne pas lui dire toutes les 10 minutes, c'est pas parce que tu couches avec mon père que t'es ma mère. Voilà. S'il vous plaît donc, mon conseil, ne jetez pas tout de suite ni la comtesse de Ségur, ni Lewis Carroll et tous les poneys justiciers. Merci, bisous, merci. Juliette Arnault et sa lecture de livres pour enfants. Et son enfance aussi. Et oui, ça explique beaucoup de choses peut-être. Isabelle Aubray est avec nous. Je rappelle que vous sortez un nouvel album avec 18 nouvelles chansons. Un album qui s'appelle Allons Enfants. Et puis vous serez en tournée, mais surtout aussi à l'Olympia le 3 octobre. Et puis en tournée dans toute la France, notamment le 12 novembre à Bordeaux, le 13 janvier à Nancy, le 14 janvier à Dijon. Vous êtes passé par Grenoble, Lyon, Limoges, Brest, Saint-Étienne, Bruxelles. Ah, oui, bien sûr. Ça, on va aborder avec vous, Isabelle, le dernier sujet. Eh bien, un nouveau morceau des Beatles vient de sortir lui aussi. Mais là, c'est juste qu'il a été composé par une une intelligence artificielle. Donc plutôt recomposée, dirons-nous. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, pour cela, Isabelle, je propose de demander l'avis d'un spécialiste, un vrai. Ah, c'est sympa, la guitare ostinato, ça fait un peu Beatles. Ouais, si tu veux. Ah, et là, il y a un côté Pink Floyd, le côté psychédélique un petit peu. Ah. En fait, c'est les Pink Floyd qui rencontrent les Beatles, mais dans un accident de voiture. C'est André Manoukian dans la série Fais pas ci, fais pas ça. Ouais, carrément, faites de tout, vous, hein, c'est fou, hein, quand même. Enfin, alors, si c'est payé. Isabelle Aubray, voilà. Sony veut même, avec c'est un logiciel, une intelligence artificielle qui a scanné toutes les chansons des Beatles, qui a fait une espèce de mixage. Oui, de bouillie, de mixage avec tout ça, et qui a ressorti une chanson. On a écouté que Juliette Arnault, c'est de la bouillie, hein, ça on peut vous le dire. Non, mais c'est particulier parce que c'est vrai qu'on se dit, ah, c'est les Beatles, ah non, c'est pas les Beatles. Oui, c'est vrai. Et pourquoi? Alors là, je pense qu'il y a quelque chose qui va vous toucher, Isabelle Aubray. Les paroles ne sont pas celles de l'intelligence artificielle. C'est vraiment le seul truc que l'intelligence artificielle n'a pas pu faire. Mais c'est la musique un compositeur non plus, hein. Français. La musique les arrangements non plus. Non, mais bien sûr. Ouais. Parce qu'il y a l'être humain. Il faut une âme pour faire de la musique. Il faut une âme pour chanter. Et les ordinateurs n'apporteront jamais ça. La voix humaine, c'est quelque chose de magique. Vous ne pourrez pas remplacer un instrument comme le violoncelle, par exemple, qui se rapproche le plus de la voix humaine. Ah oui. Un violoncelle qui joue... Mais j'ai les poils debout rien que d'y penser. Mais moi aussi voilà. Jamais... Continue. Non, les ordinateurs, c'est une blague. Ouais. C'est une blague. Mais surtout, est-ce que c'est intéressant de prolonger la carrière des artistes qu'on a aimés? Parce que c'est ça l'idée, c'était sans doute de vouloir avoir un nouvel album des Beatles. Est-ce qu'aujourd'hui, ça serait intéressant d'avoir quelqu'un qui nous dirait « Je fais une chanson à la Jean Ferrat ». Je ne suis pas sûr. Et personne n'y arrivera. Oui. Personne n'a l'âme de Jean Ferrat. Et je veux dire, c'est... Bon, pour moi, tout ce qui est ordinateur... Attention, il y a eu des choses très très belles, hein, et très bien faites dans la musique électronique. Et bien sûr qu'il y a un progrès, il y a une évolution. Mais si on retourne très loin en arrière, au départ, on avait des portraitistes, et c'était des images. Et quand est arrivée la photo, on s'est dit, mon Dieu, mais quelle catastrophe. Que vont devenir les dessinateurs? Et il y a eu des photographes merveilleux qui nous ont apporté beaucoup de choses. Il y a une chanson il faut sur pas Doineau renoncer. Dans votre album. Une chanson, une photo signée Doineau, oui. Voilà. Eh bien, donc, c'est une évolution. Mais ce côté électronique n'enlèvera jamais et n'apportera surtout jamais l'âme d'un être humain. Alors pourtant, le paradoxe, c'est que la musique, ce sont des mathématiques. En fait, le gars qui a inventé notre gamme occidentale, c'est Pythagore, et c'est un rapport de proportion entre des fréquences. Mais une intelligence naturelle, donc. Donc, la musique porte en elle, je dirais, l'harmonie qu'on entend et qui nous fait du bien. Pourquoi est-ce qu'il y a des notes qui nous semblent agréables, des accords, et d'autres qui nous semblent désagréables? Les accords désagréables, ce sont des notes qui sont proches, comme les pays qui sont proches et qui se mettent sur la gueule, par exemple, vous voyez. Alors que les accords qui nous font du bien sont les accords qui ont de l'air, qui sont aérés par des tierces. Donc, on pourrait penser que l'ordi peut effectivement modeler une mélodie et l'analyser, parce qu'au fond, il n'y a que cette note qu'on utilise. Mais ce qui fait la beauté, et c'est là que je rejoins Isabelle Aubray, d'une composition, c'est qu'à un moment donné, c'est l'ordre qui part en couille. Et ça, les machines, elles ne savent pas faire encore. Et voilà, pour le sujet. Ils sont d'accord, hein, les deux filous. Et oui, ils sont mis de mèche. Je suis un musicien, alors. Moi, j'aime les musiciens, franchement. C'est ma famille. Moi, j'aime les chanteuses. Oh, ils sont mignons. Destiny. Alors, Isabelle Aubray, on a une proposition à vous faire. Ah, tout oui. à fait honnête, hein, à vous la promets. Fin de l'émission, on propose un sketch à l'invité. Donc, vous avez vos lunettes, parce que vous êtes comédienne aussi. Je vous ai donné le rôle de Cécile Duflot. Donc, c'est en vert souligné. Car ce soir, on le sait moins que le débat Trump-Hillary Clinton, il y a un énorme débat sur Public Sénat et LCP, la primaire d'écologie Les Verts. Et ça va être énorme. On sait évidemment t'attends une grande audience. Et pour être sûr que ce soit nickel, Catherine Barma s'est vue confier l'organisation de cette émission. On se rend immédiatement sur le plateau. Jean Dylan, Dylan. Jean Dylan. Ah oh, bon sang, est-ce qu'il est encore passé? Mais ça sert à quoi de payer un assistant s'il t'assiste jamais? Jean Dylan. Oui, je suis là, Madame Barbara. Bon, ok, ok. Alors, Jean Dylan, on a du gros boulot là. Hein. Oui, il faut rendre Yann Moix sympa. Non, j'ai dit qu'on devait travailler, pas faire un miracle. Ah. Donc, il faut qu'on organise le débat d'Europe Écologie Les Verts. Oh là là là là. Oui, alors je sais, parti comme c'est parti, on va être la première émission à faire moins d'audience que le Grand Journal. Ah oui, mais on est sur LCP et Public Sénat, donc. Hein, sur quoi? Ça existe ce truc là, ouais. T'es sûr? Non, mais il y a un bouton sur la télécommande ou. Bon, c'est qui les invités? Ah bah, il y a les quatre candidats, Karim Adeli, Cécile Duflo, Yannick Jadot et Michel Rivasi. Qui ça? Bon, Duflo, je vois, mais enfin, c'est qui les autres? Non, mais écoute, je sais pas, moi, appelle Lucchini, BHL, Mélenchon. Mais non, mais Mélenchon, il est pas vert. Ah oui, alors ça, je te le confirme. Oui. Non, mais c'est un débat sérieux, c'est vrai. Oui, c'est sûr. Bon, devant 37 téléspectateurs, c'est toujours sérieux, je veux dire. Bonjour, Catherine. Ah, mais voilà la star de la soirée. Arrêtez, c'est gênant. Non, mais vraiment, on va faire de l'audience et ce sera grâce à vous. Ah, je suis émue, ce sera la première fois. Oui, alors en revanche, on va rythmer l'émission, hein. Je veux dire, remettre des chanteurs. Hein. Qu'est-ce que vous aimez? Moi, j'aime beaucoup Mireille Mathieu. Oui, elle n'est pas disponible. Si, je la connais bien. Bah, écoutez, Cécile Duflo, je sais que vous êtes pour le recyclage, mais enfin là... L'important, Catherine, c'est qu'on parle de nos idées. Quoi? Pardon? On parle du programme écolo. Non, mais dis, Jean Dylan, je comprends pas ce qu'elle dit. Hein. Bon, à demi mot, elle essaie de vous dire qu'elle aimerait du contenu, quoi. Du contenu. Pourquoi vous riez? Vous êtes parfaits, les écolos, j'adore. Non, mais non, c'est pourquoi vous gagnerez jamais. Hein, Qu'est-ce qu'on fait alors? Vous donnez toutes des idées, puis on lance Kenji Girac, voilà, et puis pendant le disque, des gens tweetent pour leur idée préférée, par exemple. Oh, Catherine, vous êtes géniale, ouais, c'est génial. Oui, ça. Oui, je pense aussi. Oui. Moi, si vous me présentez à la primaire des Verts, je vote pour. Et vous? Isabelle Aubray dans le rôle de Cécile Duflo. Vous savez tout faire, Isabelle Aubray. Vous allez voter aux primaires un petit peu? Oh, de toute façon, oui. je vais être extrêmement attentive à ce qui va nous arriver. Parce que je crois que, évidemment, d'ailleurs, dans une des chansons de Jacques de Broncard, il y a un texte qui est magnifique et qui dit « Toi qui vis dans la liberté, ne t'endors pas sur tes lauriers. Un jour, tu peux te réveiller les fers aux pieds. Ça se gagne, ça s'arrache, la liberté. Oui, mais quand ça se sent presque oublié, ça vous lâche. » Va donc la rattraper. Isabelle Aubray, voilà. Qu'on vous conseille d'écouter. Votre nouvel album s'appelle Allons Enfants, plein de nouvelles chansons. Vous serez le 3 octobre à l'Olympia, avec certainement Alex Vizorek dans la salle. Dernier, parce que ça, il faut y aller, rater, c'est évidemment. Dernier. Et puis vous êtes en tournée Tête de Bois du 4 novembre jusqu'au 17 février. Allez voir les villes et les dates. Et puis il y aura bien sûr Lille le 19 novembre, mais vous passez un petit peu partout. Merci infiniment, Isabelle Aubray, c'était un vrai bonheur. Un plaisir, oui, c'était oui. Super. Et ma petite sœur m'avait dit que vous étiez magnifique. Votre petite sœur nous écoute. On l'embrasse. On embrasse la petite sœur d'Isabelle Aubray. Alangine s'appelle. Eh ben on l'embrasse. Ma bisine, je t'aime. Le mot de la fin, je le laisse à Alex et Guillaume. Voici comment ils ont préparé le sujet naturisme ce matin. Déshabillez-vous. Vous allez faire le tour de la salle de rédaction tout nu. Nous allons pouvoir juger de l'effet commun. MAF Assurance, bonjour. Oui, bonjour. La question qui fâche, puis-je avoir une estimation en deux minutes pour mon assurance auto? Non, bien sûr. Si, bien sûr. Et comment? MAF.fr sur votre smartphone. Vos réponses en quelques clics et vous simulez immédiatement votre tarif. MAF.fr sur mon smartphone et en deux minutes? Voilà, mais si vous préférez, on peut aussi vous rappeler. Aussi? Oh, merci, Miss MAF. Efficace et pas cher, c'est la MAF.fr, c'est la MAF. Tarif indicatif sur smartphone. Tarif personnalisé au 3015, service et appel gratuit. Sur France 3, la fiction parle de notre société. Le combat d'une famille pour comprendre l'inacceptable. Il s'est passé quelque chose la veille de sa mort. Je sais rien, je suis désolé. Marion, 13 ans pour toujours, une fiction inspirée de faits réels, suivie d'un débat sur le harcèlement scolaire. Ce soir, dès 20h55. France 3, vous êtes au bon endroit. Air France. France. La France. Is in the air. On la reconnaît à des kilomètres à la ronde. Éventail fleurs de lotus, lunettes de soleil et robe col Mao, la française en Chine a décidément de l'allure. Ni hao, bonjour. Air France. France. La France. Is in the air. Avec Air France, découvrez Pékin au départ de Paris à partir de 488 € aller-retour, tout compris, jusqu'au 29 septembre. Tarif aux frais de service pour des départs du 1er novembre au 11 décembre 2016. Vendredi 30 septembre, 20h, auditorium de la Maison de la Radio. Mico Franck et l'Orchestre Philharmonique vont vous surprendre. La version originale du ballet Petrouchka de Stravinsky. Le tourbillon fantastique et fatal de la valse de Ravel. Et l'étonnant concerto pour trompette de Brett Dean par le fabuleux Akan Hardenberger. Le 30 septembre, l'Orchestre Philharmonique de Radio France mélange les genres avec succès. Réservation maisondelaradio.fr. Il est 18h sur France Inter. Bonsoir Nicolas Demorand. Bonsoir Charline Vanhoenacker et bonsoir à tous. Bienvenue dans le 18-20 d'Inter, le programme de ce mardi soir 18h15. Retour sur le premier débat Trump-Clinton diffusé cette nuit à 3h heure de France. Analyse avec Sylvain Sipel, invité d'un jour dans le monde. À 19h20, le téléphone sonne sur le cas Alstom et à travers lui, le pouvoir réel ou disparu de l'État en matière économique et industrielle. Vos questions 01 45 24 7000, franceinter.fr, Twitter avec le mot-clé Telson. Le journal tout de suite, Florence Paracuelos, bonsoir. Bonsoir Nicolas Demorand, bonsoir à tous. À la une ce soir, 5 hommes à la barre pour une chemise arrachée. C'est le procès des salariés d'Air France qui a commencé.